À l'occasion de la nouvelle année 106 du Tutsé 2017, les chefs d'État et les dirigeants de partis politiques de divers pays et les personnalités des institutions internationales ont fait parvenir les cartes de Nouvel An au maréchal Kim Jong-un. Ce sont les présidents bangladais, pakistanais, palestiniens, turkménistanais, azerbaïdjanais, tunisiens, algériens, angolais, le roi de Monaco, les capitaines régents de Saint-Marin, les présidents guinéens, rwandais, équato-guinéens et guyanais et leurs femmes. Ensuite, ce sont le Parti communiste marxiste-léniniste du Canada, le président général et le secrétaire général du conseil directeur central du Parti démocrate de lutte d'Indonésie, le secrétaire général du comité central du Parti communiste de l'Inde marxiste, le secrétaire général du comité central du Parti communiste portugais, le premier ministre du Royaume de Thaïlande, le secrétaire général du Conseil international du prix Kim Il-sung et du Conseil international du prix Kim Jong-il, le co-administrateur général du Conseil du fonds Kim Il-sung Kim Jong-il, le directeur général de l'Office de l'ONU à Vienne et le directeur de l'Agence de l'OMS pour l'Asie Sud-Est. Par ailleurs, le comité central du Parti populaire cambodgien, le comité central du Parti communiste révolutionnaire français, le président du Phun Simpek du Cambodge et le secrétaire général du Parti populaire pour le relèvement et la démocratie du Congo démocratique ont fait parvenir les cartes de Nouvel An au comité central du Parti du travail de Corée.